Léonce Huitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. 10 hommes ont été arrêtés hier dimanche dans la zone Mutakura en commune urbaine de Nahangwa. Parmi eux, un journaliste de la radio Maria Burundi. Ces personnes sont accusées de tenir une réunion allant dans le sens de ravitailler les malfaiteurs selon du moins la police nationale. Deux jeunes élèves de la gardienne à l'école fondamentale Moussaga 1 à mairie de Bujumbura ont été obligés de retourner chez eux ce lundi. La raison est qu'il y a manque d'enseignants après le redéploiement qui n'a pas épargné la dite école. Plus de 5000 élèves de la province de Karoussi attendent d'avoir des places dans l'enseignement des métiers alors que cette province ne compte actuellement qu'un seul établissement de ce genre d'enseignement. Sur ce point, le directeur ayant en charge l'enseignement des métiers annonce que plus de 100 centres de métiers sont en cours de construction dans le pays. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. La radio de l'avenir. 10 hommes ont été arrêtés dans la soirée de ce dimanche à la 9e avenue numéro 49 en zone Mutakura de la mairie de Bujumbura. Ils étaient en train de faire une réunion de leur association comme l'a fait savoir une des voisines de ces hommes. Elle ajoute que ces personnes ont été amenées par des militaires en compagnie de policiers. Suivez. C'était le soir et on a vu la femme de notre voisin qui est venue nous dire que chez elle, il y avait beaucoup de militaires et de policiers. Chez notre voisin, ils se tenaient une réunion de leur association et ils se rencontrent souvent. Quand on a entendu que c'était des militaires, on ne s'est pas précipité pour aller voir, mais par après, j'ai quitté la maison pour accompagner un visiteur et un militaire qui était devant le portail m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir et il est entré. Par après, il m'a intimé l'ordre d'ouvrir la porte d'une autre maison en disant qu'ils avaient entendu qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Je lui ai dit que cette maison était en chantier. À côté de ces militaires et policiers, il y avait une autre personne qui ne portait pas d'uniforme. Il leur a signifié qu'il ne fallait pas perdre du temps avec ces hommes et qu'il fallait les amener directement. On a su plus tard qu'ils ont été acheminés à la zone Kamenge. D'après des informations recueillies à la zone Kamenge, ces 10 hommes ont passé la nuit dans le cachot de cette zone et un agent du service des renseignements serait passé les prendre dans la matinée de ce lundi. Pierre Nguikié, le porte-parole de la police nationale, indique que les 10 personnes ont été surprises en train de tenir une réunion dans laquelle elles échangeaient sur les moyens de ravitaillement des groupes de malfaiteurs. Parmi les personnes arrêtées figure Salvatore Nahimana. Il est journaliste à la radio Maria Burundi. 43 maisons et 2 églises ont été détruites lors des pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines collines de la commune Lugazi en province de Ouanza. C'était ce dimanche et samedi. 3 chèvres sont également mortes, foudroyées. 2 pots ont été cassés et plusieurs hectares de champs sont également endommagés. Les collines les plus touchées sont celles de Kabanga, Ruche, Rutake et Guanavugwe, selon les administratifs à la base. Deux jeunes élèves de la gardienne à l'école fondamentale Moussaga 1 dans la commune urbaine de Mouha ont été obligés de rentrer le matin de ce lundi faute d'enseignants. Bizimana Espérance, la directrice de cette école, explique que c'est dû au redéploiement des enseignants. Elle demande que 10 enseignants de cette école qui ont été redéployés soient retournés à la dite école. Le point avec Mireille Kanyang. Nous sommes à l'école fondamentale Moussaga 1. Certains écoliers suivent les cours alors que ceux de la gardienne venaient de rentrer aussitôt arrivés à l'école. La directrice de cette école fait savoir que c'est par manque d'enseignants. On a redéployé des enseignants titulaires. C'est pourquoi les élèves de gardienne ont rentré. Motif, c'est que leurs enseignants nous ont attribué les autres classes. Ce travail cause beaucoup de problèmes ici à l'école fondamentale de Moussaga 1 parce qu'il y a beaucoup des enseignants qui ont été redéployés, ils sont au nombre de 10. Donc, il y a le manque des enseignants ici à l'école fondamentale de Moussaga 1. Les élèves de la première année se tenaient en classe sans enseignants et ceux de la sixième année C étaient dehors pour le même motif. Kirez Inaïs Elion est l'une d'entre eux. Ils sont partis ailleurs. Nous avons serment l'enseignant de Kirundi et France. Quel est l'enseignant qui vous manque? De maths, études, exercices et langues. Ces écoliers réclament leur droit à l'éducation. Et moi et des amis, il faut des enseignants. Viziman Espérance, directrice de cette école, demande que d'autres enseignants leur soient envoyés, tout au moins que ceux qui prestaient à cette école reviennent. Nous demandons au gouvernement de voir comment régler ce problème en nous envoyant d'autres enseignants pour que cette année scolaire démarre de façon très correcte. Pour rappel, le redéploiement a été décrié par des enseignants. Pas plus tard que vendredi passé, certains d'entre eux sont allés manifester leur mécontentement au ministère burundais de l'éducation. Mireille Kanyang, une seule école d'enseignement des métiers et fonctionnaires dans la province de Karoussi au moment où plus de 5000 élèves attendent avoir des places et de tels enseignements dans cette province. Au niveau de la direction provinciale de l'enseignement, le responsable de l'enseignement des métiers indique qu'on attend la construction d'autres établissements de la part du gouvernement. Le point avec Blaise et Pascal Kararoumi. La seule école des métiers fonctionnelle dans toute la province de Karoussi est celle du centre des métiers de Karoussi qui est au chef-lieu de cette province. Cela est confirmé par le conseiller chargé de la coordination de l'enseignement des métiers à la direction provinciale de l'enseignement de Karoussi. Il indique qu'il y a dans la province 3 centres d'enseignement des métiers qui pourraient servir d'école des métiers. Fidèle regrette que le centre de métier de Ruguiza de la commune Nyabikere et celui de Shanga de la commune Vuhiga n'ont pas de matériel et personnel et qu'il n'y a même pas de tel centre de métier dans 5 communes sur les 7 communes que compte la province. Cela est ainsi au moment où 2200 élèves qui n'ont pas réussi au concours national de 9e année de l'école fondamentale et de 10e année pour être orientés attendaient qu'ils pourraient bénéficier de l'enseignement des métiers pour leur vie future. Ce coordinateur indique qu'ils attendent de nouvelles instructions relatives à la nouvelle organisation de telles écoles qui ne font plus du ressort du ministère de l'Éducation dans ses attributions, indique ce coordinateur. Le conseiller principal du gouverneur fait savoir qu'au niveau de chaque commune de la province Karoussi, il se prépare un centre qui pourrait accueillir de tels élèves pour l'enseignement des métiers. Et cela en attendant que les constructions qui sont déjà en cours, indique le conseiller principal, puissent terminer. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Isanganiro. Plus de 100 centres des métiers sont en cours de construction dans différentes communes du pays. Dieudonné Gahama, le directeur de l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle, explique qu'il n'y a pas de rentrée scolaire en tant que telle, mais ceux qui auront déjà achevé les constructions peuvent commencer dans 2 semaines. Il précise que le problème de matériel reste un défi majeur, d'où il appelle les administrateurs communaux à choisir des filières selon la capacité de la commune. Dieudonné Gahama était au micro de Place. Nous ne pouvons pas une année scolaire en tant que telle, parce que l'année dans l'enseignement des métiers, c'est une année continue, compte tenu que nous avons une formation modulaire et flexible. Vous savez qu'il y a 111 centres d'enseignement des métiers existants et 132 centres d'enseignement des métiers en construction. D'ici, je pense au plus tard 2 semaines, nous allons ouvrir les centres d'enseignement des métiers déjà existants. Mais n'empêche que, au fur et à mesure que les infrastructures seront disponibles pour les centres d'enseignement des métiers en construction, ils peuvent ouvrir. Donc, il n'y a pas de début et de fin pour l'ouverture et la clôture de l'enseignement à des métiers. Et si vous dites qu'ils sont en cours de construction, et qu'en est-il avec le matériel? Les équipements pour l'enseignement des métiers sont chers. Ils ne sont pas pour autant disponibles. Mais qu'à cela ne tienne, on peut commencer avec ce qu'on a. Mais j'interpelle les administrateurs communaux de commencer par les filières non moins exigeante. Avec la connaissance de certains administrateurs, qu'est-ce que la direction propose pour aider ces administrateurs dans le choix de ces filières? La direction a déjà élaboré des programmes pour toutes les filières, plus de 15 filières. Nous avons déjà aussi une proposition des filières. Je profite de cette occasion pour informer les administrateurs qui veulent avoir la liste de ces filières. Ils peuvent passer pour prendre connaissance de ces filières et de ces programmes. Le directeur de l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle ajoute que les élèves qui vont subir cette formation seront dans la même salle que les autres car tous sont profanes dans l'enseignement des métiers. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le gouvernement n'a pas encore envoyé à l'Assemblée nationale la proposition du projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017. Tels sont du moins les propos du président de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la session d'octobre. Il appelle au gouvernement de le faire dans les délais puisque l'adoption de ce projet est normalement faite pendant cette session. Suivez plutôt Pascal Nyabenda, c'est le président de l'Assemblée nationale. Cet ordre du jour n'est pas exhaustif, puisque le gouvernement pourra, au besoin, le modifier en y ajoutant ou éventuellement en y retirant des projets de loi. Par ailleurs, au terme de l'article 76 de la Constitution de la République du Burundi, l'Assemblée nationale est saisie du projet de loi des finances au cours de la session d'octobre. Cela signifie que la priorité de cette session est accordée particulièrement à l'analyse de la loi des finances pour l'année 2017. Donc, c'est une session budgétaire. Étant donné que le projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre du jour transmis par le gouvernement, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à tout faire pour que ce projet lui parvienne dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse disposer d'un temps suffisant pour son analyse et son adoption. L'absence de courant électrique se remarque depuis 3 jours au chef-lieu de la province de Mwaro et comme conséquence, toutes les activités nécessitant le courant sont aujourd'hui paralysées. Les personnes vivant de ces activités disent que cela leur cause des difficultés pour assurer les besoins de leur famille. Laurent Nicoulio. Le courant électrique est inexistant au chef-lieu de la province de Mwaro depuis le soir de vendredi dernier. Les activités nécessitant le courant électrique sont alors paralysées. Par exemple, les personnes qui font la soudure disent qu'elles ne travaillent pas depuis 3 jours alors qu'elles ont des commandes qu'elles devraient honorer. Tous les salons de coiffure situés au chef-lieu de cette province sont fermés. Les secrétariats publics ne fonctionnent pas suite à ce manque de courant électrique. Comme le chef-lieu de la province Mwaro est alimenté en eau potable depuis la source située en bas du massif de Gissassé à l'aide d'un moteur utilisant le courant électrique, l'eau manque depuis 3 jours dans pas mal de robinets situés au chef-lieu de la province Mwaro. Les usagers de cette eau potable doivent aller puiser de l'eau soit dans des sources aménagées, se trouvant aux alentours, soit dans des ruisseaux. Une autre conséquence de ce manque de courant électrique concerne le problème de communication par téléphone, car la plupart de téléphones portables sont éteints, leur batterie étant déchargée. Au niveau des institutions bancaires comme la BGF, la Poste et la COPEC, elles ne travaillent qu'avec un groupe électrogène consommant du carburant. Les personnes vivant des activités nécessitant le courant demandent qu'il soit rétabli pour qu'elles puissent faire vivre leur famille. Au niveau de la régie des eaux à Mwaro, l'on indique qu'ils sont toujours à la recherche de l'endroit où est survenue la panne. Ils précisent que dès que la panne est détectée, ils vont remettre les choses en ordre. De Mwaro, Laurent Dikurio, Radio Isanganiro. Et les agriculteurs de la province de Gitega sont disent prêts à planter les semences pour la saison culturelle A aussitôt que les pluies seront suffisantes. Cela étant, beaucoup d'entre eux se heurtent à un problème de manque d'engrais chimiques et des semences sélectionnées. Mais à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, l'on fait savoir que les engrais sont disponibles dans toutes les communes et qu'actuellement, il existe des centres pour la sélection des semences. Arthur Kavaouchi depuis Gitega. Les cultivateurs de la province de Gitega disent que même si la pluie a commencé à tomber, elle n'est pas encore présente partout et qu'elle n'a pas encore bien arrosé le sol pour qu'il commence à semer. Ils indiquent qu'ils attendent encore quelques jours pour commencer la plantation des semences de la saison culturelle A. À cette saison, pas mal de cultivateurs de Gitega mais le maïs et pour ceux qui ont une terre adaptée, ils plantent les haricots de la saison A. D'autres cultures de la saison culturelle A sont constituées de bananes, de manioc, de pommes de terre, de la patate douce, des différentes sortes de légumes, etc. Ces cultivateurs font savoir qu'ils ont terminé à labourer leurs champs et que beaucoup d'entre eux disent qu'ils ont déjà acheté l'engrais chimique. Cependant, il y en a qui indiquent qu'ils ont déjà acheté l'engrais chimique car ils ont des moyens et qu'ils ont même les fertilisants traditionnels pour mélanger au moment où il y a un autre groupe qui dit qu'il a acheté peu d'engrais chimiques et que 5 personnes se mettent ensemble pour acheter et partager un sac de 25 kilos qui coûte 25 000 francs. Ce groupe indique qu'il n'a pas de fertilisants traditionnels. Quand ils sèment, ils mettent quelques grains d'engrais chimiques insuffisants dans un trou de semence, ce qui va affecter négativement la récolte. Il y a également d'autres agriculteurs qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter l'engrais chimique et qu'ils n'ont même pas de fertilisants traditionnels. Le directeur de la DPAE, Gitega Manyang et Helmenegilde, fait savoir qu'ils ont prolongé le délai de distribution des engrais chimiques jusque le 15 octobre 2016, au moment où la date limite était fixée pour ce vendredi passé, le 30 septembre 2016. Il dit également que ceux qui avaient déjà acheté les engrais chimiques atteignaient 60% et que ces engrais chimiques sont disponibles dans toutes les communes de la province de Gitega. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. En actualité sportive, le championnat national de football, Ligue A, était à sa 4e journée en fin du week-end dernier. L'équipe Lydia Ludic Burundi est première de la Primus League au moment où Vitalo, club champion de l'année dernière, est 12e du championnat en cours. Le championnat de volleyball Amri de Bujumbura était à sa 4e journée ce dimanche. L'actualité sportive avec Evariste Nzikobanyang. À la fin du week-end dernier, le championnat national était en sa 4e journée. Samedi, Musongati de Gitega a battu sur son propre terrain Aigle Noir de Makamba 1-0. Sur le terrain du centre technique national, Interstar a battu Magara Star 1-0. Sur le terrain du stade de Muyinga, Olympic Star a battu Flambeau de l'Est de Ruyigi 1-0. Sur le stade de Prince Louis Gwagasore, les Lières ont été visités par Ngozi City d'Ngozi. Le match s'est soldé sur l'égalisation de 2 buts partout et sur la pelouse du stade d'Agasaka d'Ngozi, Messager Ngozi a corrigé Muzinga, l'équipe militaire, sur le score de 3-0. 3 matchs étaient programmés ce dimanche, 1 sur le stade de Dobuganda en province Chibitoke et 2 sur le stade de Prince Louis Gwagasore à Buganda. Rusizi FC a battu Bujumbura City 1-0. À 14h sur le stade de Prince Louis Gwagasore, Vitalo a égalisé avec Atletico Olympique 1-0. Et à 16h, Lydia Ludic et Burundi Sport for Africa a battu Messager Bujumbura 3-1. À la 4e journée, Lydia Ludic et Burundi est première avec 12 points et 5 buts. Interstar est 2e avec 12 points, 4 buts. Atletico Olympique est 3e avec 10 points et 9 buts. Le club Vitalo, champion l'année dernière, est en difficulté au championnat en cours. Depuis le début du championnat 2016-2017, cette formation n'a gagné aucun match. Vitalo n'a que 3 points sur 12. Si rien ne change pour Vitalo, certains de ses fans se demandent si ce club pourra représenter le Burundi au championnat d'Afrique des clubs champions. Le championnat de volleyball était également en sa 4e journée le week-end dernier. Côté filles, GLC a battu Muzinga 3-2. Côté garçon, Muzinga a battu Amical 3-0. Dimanche, côté filles, les As ont battu Spirou 3-0 et Muzinga a battu New Colombe 3-0. Le match qui devrait opposer Rukinzo et Boun n'a pas eu lieu suite aux conditions climatiques défavorables. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, au Burkina Faso, les travailleurs de l'Office national de télécommunications sont en grève depuis plus d'une semaine suite aux perturbations sur les réseaux mobiles. Tandis qu'au Sénégal, une association des droits de l'homme a déposé une plainte sur le dossier des carburants toxiques vendus par les fournisseurs suisses à des pays africains. Et au Gabon, le Premier ministre a annoncé ce dimanche soir la formation d'un gouvernement où peu de figures de l'opposition font leur entrée. Les détails avec Christelle Anizigama. Au Gabon, le premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondé a annoncé ce dimanche soir la formation d'un gouvernement où quelques rares personnalités de l'opposition font leur entrée. C'était une promesse d'Ali Bongo. Comme on le lit sur le site du journal Jeune Afrique, l'équipe composée de 40 membres se voulait largement ouverte aux forces vives de la nation. Le gouvernement compte un peu plus de 30% de femmes, a précisé le premier ministre lors d'un point de presse au palais présidentiel après plusieurs jours de tractations. Autre fait marquant, très peu d'opposants figurent finalement sur le casting censé réconcilier les Gabonais après les violences post-électorales qui ont secoué le pays. Au Sénégal, la société civile se mobilise contre les carburants toxiques vendus par les fournisseurs suisses accusés de profiter des faibles normes du continent en matière de qualité des produits pétroliers. Selon le site de la RFI Afrique, une plainte a été déposée par la Ligue sénégalaise des droits de l'homme afin d'inciter les autorités du pays à imposer de nouvelles normes en matière de qualité de carburant. Le Forum civil estime en revanche que l'opposition publique sénégalaise n'a pas été suffisamment sensibilisée et face à l'absence de réelle mobilisation, l'organisation craint un classement sans suite de la plainte par la justice. Enfin, au Burkina Faso, les travailleurs de l'Office national de télécommunications Onatel sont en grève depuis plus d'une semaine. Ils dénoncent la gestion de la compagnie des télécommunications et exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les conséquences de ce mouvement de grève sont liées aux difficultés pour communiquer sur les réseaux et perturbations des interruptions à l'accès à l'Internet dans plusieurs villes du pays. Face à cette situation, certains clients menacent de marcher vers le siège de la compagnie de téléphonie mobile. D'autres ont décidé tout simplement de s'acheter une nouvelle carte SIM chez les concurrents. Les représentants des travailleurs ont été reçus par le chef du gouvernement, mais c'est toujours le statu quo. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewoussi pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.